d'or et brûlant des filles, passe à deux pas de mes dix doigts. Des musiciens de Casamance au marabout de Pretoria. C'est tout un peuple fou qui danse, comme s'il allait mourir de joie. Afrique, adieu. Et de Saint-Louis à Yaoundé, des lacs salés au vieux Kenya. C'est tout un peuple qui va danser comme s'il allait mourir de joie. Là où tu iras, les...